Piste 29. Exercice 6. 1. J'habite en Espagne. 2. Je ne suis pas créatif. 3. Enchanté, Paul, 47 ans. 4. Je n'aime pas le sport, mais j'adore la photo.